ma précieuse, capricieuse, ambitieuse, délicieuse, ma précieuse, capricieuse, ambitieuse, ma précieuse, capricieuse, ambitieuse, délicieuse, oui, c'est ma précieuse. Tu fais des efforts, je fais des efforts, capricieuse, somptueuse, ma précieuse. Elle fait passer de la mourir, c'est une tueuse. Elle voit que je suis loin du monde, je fais que le contourner. Je bois ta botte, je fais mes comptes et je m'amuse à tourner. Elle m'a dit j'aime pas tout, je préfère l'homme qu'il y a devant moi. Elle me dit que je suis mignon, que j'ai quelque chose et que j'ai une belle voix. Elle veut voir plus loin avec moi, elle est ambitieuse. Elle veut pas que je sorte en bois, tout ça, elle est soucieuse. Elle m'énerve, je n'aime pas, j'accélère, je la colle au siège. Elle me prêche le faux pour le vrai, elle fait sa vicieuse. Malgré tout, elle est délicieuse. Délicieuse, oui, c'est ma précieuse. Tu fais des efforts, je fais des efforts, capricieuse. Somptueuse, ma précieuse. Elle fait passer de la mourir, c'est une tueuse. Je l'ai vue pleurer, elle m'a fendu le cœur. Faut pas que tu sois mal devant moi, ça me met les nerfs. J'aime bien rester seul avec toi quand y'a l'averse. Des fois je suis mal pour oublier, je fume de la verte. J'ai tourné comme un fou à t'attendre. Quand je suis loin de toi, je pense à ton bisou très tendre. Elle fait semblant de me quitter quand je fais le con. S'il te plaît, te prends pas pour ma mère, me donne pas de leçons. Elle se plaint quand je reste avec mes potos de la tête. Elle me dit reviens me voir quand tu seras plus clair dans ta tête. Délicieuse, oui, c'est ma précieuse. Tu fais des efforts, je fais des efforts, capricieuse, somptueuse, ma précieuse. Elle fait passer de la mourir, c'est une tueuse. Je l'ai connue dans la merde, elle ne fait jamais de manière. Elle s'adapte à ma galère, elle s'en fout de mon salaire. Je suis rentré chez moi en fumette, elle m'a fait un petit plat. Je suis sorti dans la piscine, je me suis fait un petit plat. C'est ma précieuse, c'est ma jolie, c'est ma chiquita. Tu connais madame, si elle me quitte pas, je la quitte pas. Et je sais que je peux compter sur elle si les flics tapent à ma porte. Et je sais que si je tombe demain, elle me porte. Et je sais que si je tombe demain, elle me porte. Je l'ai vu maquillée, je l'ai même vu au naturel. Elle me perturbe quand je la regarde, elle est sûre d'elle. Regarde personne, dis-moi c'est quoi cette beauté. Non moi c'est pas elle qui se monte, c'est celle d'à côté. À force de courir derrière elle, j'ai un coin de côté. Elle connaît pas d'où elle croit que j'ai qu'un coin de côté. J'ai vu son corps dans mes yeux toute la journée. Je vais prendre son cœur, monsieur, je vois que vous dormez. Alors je garde pour moi, mais t'as pas à t'en faire, me la fête pas, joue pas le bail. I love you, I love you.